L'équipe de Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre vous offre un service à la mesure de vos droits. Le propriétaire du restaurant Subway de Dolbeau-Mistassini, M. Luc Bélanger et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à Denver. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invitent à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invitent à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On va parler d'un sujet que j'aime toujours parler, puis je suis content d'avoir Simon Boisvert, alias Snake, pour nous parler un peu des meilleurs prospects du Canadien actuellement. On sait, on dit tout le temps que les Canadiens ont d'excellents prospects. Ben, on va en parler avec un spécialiste, c'est Simon Boisvert. Salut Simon! Bonjour! Simon, est-ce que c'est vrai que finalement le Canadien a vraiment une banque de prospects excellent ou c'est tout simplement encore une fois de la poudre aux jupes pour nous vendre l'espoir parce que tu sais que les partisans à Montréal, il faut qu'il y ait de l'espoir? Oui, je pense que ça se situe un petit peu entre les deux. Okay. L'idée avec la banque de prospects, c'est qu'ils ont beaucoup de candidats, il y a beaucoup de quantités. Est-ce que nécessairement tout ça va devenir de la grande qualité? Ça, c'est pas certain. Okay. Mais plus tu en as, plus tu as de chances que ces gars-là deviennent des joueurs dans la Ligue nationale. Donc, si tu as 4, 5, 6 défenseurs gauchers, par exemple, dans ton pipeline, ben tu peux espérer qu'il y en ait un ou deux à un moment donné qui fassent ton club. Alors que si tu en as juste un, ben là, tu mets tous tes œufs dans le même panier. Alors, c'est un petit peu comme ça là, que j'évalue les sports du Canadien globalement. OK. Moi, j'ai déjà lu une analyse que les Canadiens étaient sixième à peu près dans la banque d'espoir. Je ne me rappelle plus qui avait dit, je ne sais pas si c'est Hockey News, sixième, est-ce que c'est réaliste à peu près? Bien, c'est parce que ça dépend toujours des critères qui sont utilisés. Ouais. En général, on va prendre des joueurs qui ne sont pas encore dans la Ligue nationale, mais n'oublie pas qu'il y a bien des équipes qui ont des gars de 19, 20, le Canadien aussi en a, 20, 21 ans qui sont là. Alors, est-ce qu'on les inclut dans la banque d'espoir? Tu sais, si tu dis, je sais pas moi, qu'une certaine équipe est 20e dans ses espoirs, OK, mais peut-être qu'elle a deux excellents joueurs de 20 ans dans son alignement en ce moment. Alors ça biaise un peu l'analyse. Et moi, ce que je préfère, ce sont des classements, mettons, qui incluent tous les joueurs, disons, de moins de 22 ans dans une organisation. Okay. Alors, à ce moment-là, le Canadien baisserait peut-être un petit peu au plus proche du milieu de la Ligue, si on inclut tout ça. Mais si on considère les joueurs qui sont pas dans la Ligue nationale en ce moment, ouais, je te dirais vraiment dans le top 10, là, plus proche de 10. OK. Ça dépend toujours de comment ils sont développés aussi. Ça, c'est moi, le Canadien, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas très, très reluisant comme développement, là. Non, ça ne l'est pas. Tu sais, je veux dire, oui, Kyle Fleury fait bien, Suzuki fait bien, mais tu sais, je sais pas, là, c'est Tu sais, Claude Julien avec le développement, donc ça laisse plutôt désirer. Donc, on va y aller avec la liste de 1 à 5. Par la suite, on va parler des prospects aussi surveillés. Donc, ton cinquième joueur le mieux coté, selon Simon Boisvert, du côté de l'organisation du Canadien. Moi, c'est Romanov, le cinquième défenseur. Cinquième? OK. Oui. Oui, okay. Je ne mets pas plus haut que ça, puis tu vas comprendre pourquoi après. Écoute, moi, je pense que ça va devenir un bon joueur défensif. Ouais. Mais ce qu'on a vu de lui offensivement au championnat junior l'an dernier, je crois pas que ce soit représentatif de ce qui va être chez les pros. Alors moi, je le vois beaucoup plus proche, disons, d'un gars comme peut-être Emeline dans le temps qui était chez le Canadien. Emeline, alors un bon défenseur fiable, ouais, du côté gauche, mais pas nécessairement un gars qui va avoir 50 points par année. Donc Emeline, c'est un bon défenseur, mais c'était pas un grand défenseur. C'est un top 4 à peu près, Emeline. C'était pas un quatrième défenseur. C'est à peu près ça que tu le vois? Oui, ouais, je le vois comme un quatrième, okay, défenseur, fiable défensivement, mais pas nécessairement le gars qui va diriger le jeu de puissance. OK, numéro 4. C'est Jordan Harris, okay, un autre défenseur gaucher, okay, qui joue, ouais, à l'université Northeastern. Lui, je trouve qu'il est plus complet que Romanov et il a peut-être un potentiel offensif un petit peu plus grand. Okay. Pas nécessairement une vedette, mais au moins un gars, tu sais, il patine bien, il transporte la rondelle, il est intelligent. Et ce qui est important pour son développement, c'est que il joue beaucoup. Mm. Tu sais, il a 19 ans, mais ça fait quand même 2 ans qu'il joue régulièrement dans la NCAA, qui ont des joueurs plus vieux que lui. Et j'ai aimé, moi, sa progression jusqu'à maintenant. Et ça, c'est très, très important. Lorsqu'il va signer son contrat et qu'il va arriver chez les pros, il va avoir beaucoup de minutes dans le corps. Okay. Et parfois, c'est ça qui arrive dans la NCAA. Quand les gars arrivent à 18 ans, ils jouent moins. Et là, ils vont perdre une année de développement. Mais dans le cas de Harris, ça n'a vraiment pas été le cas. Et puis, je pense qu'Harris aussi a une chance de faire un top 4, mais on est quand même à quelques années près là, avant de dire ça. Au moins deux ans, je te dis. Tu comparerais à qui un défenseur? Écoute, moi, je suis pas fort sur les, okay, comparaisons. Là, je t'ai donné Emeline pour Romanov, mais, okay, pour Harris, j'ai pas vraiment d'idée. Moi, je te dirais un joueur complet qui joue bien défensivement, qui joue bien offensivement, mais qui n'est pas nécessairement un gars qui va transporter la rondelle comme Cale Makar ou Morgan, ouais, Riley ou des gars comme ça. Là. OK. Numéro 3. Moi, j'ai Ryan Poehling. OK. Je le vois pas comme une vedette, lui non plus, mais je le vois comme un solide joueur de milieu d'alignement. Il a encore besoin de développement. Tu parlais tout à l'heure de la capacité du Canadien de développer. Moi, à date, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on l'envoie à Laval, on le rappelle, on le retourne à Laval, on le rappelle. Ça, à un moment donné, il y a quelque chose dans la synchronisation du jeu. Là. C'est pas la même ligue, c'est pas le même rythme de jeu. Alors, le gars, il peut être mélangé un peu. Alors, si on juge qu'il est pas prêt encore, qu'on le laisse là-bas. Puis s'il y a des blessés, ben qu'on rappelle Phil Varone ou Riley, ouais, Barber ou ces gars-là, les vétérans, mais qu'on laisse les jeunes là-bas se développer. Alors moi, Ryan Poehling, honnêtement, je l'aurais mis à Laval au début de l'année et je l'aurais laissé là toute l'année. Puis j'aurais réévalué la situation au prochain camp d'entraînement. Mais c'est quand même un gars qui devrait faire partie de l'alignement du Canadien. Pas nécessairement une machine offensive, mais un gars, un solide joueur de milieu d'aliment qui peut contribuer à l'occasion. On le comparait à Jordan Staal. C'était-tu pas mal logique? J'aime la comparaison, mais je crois pas qu'il devienne aussi bon que Jordan Staal. Ah, OK. Donc, pourquoi qu'on le comparait? Mais c'est le même genre de joueur, peut-être, okay, si on okay, veut. OK. Ouais. Donc, ça peut... Numéro 2. Kaden Primeau, le gardien de but. OK. C'est bon, pareil. Encore un autre qui a beaucoup joué dans la NCAA à 18 et 19 ans. Ouais. Ça a été très bon pour lui. Et, tu sais, il a beaucoup d'expérience en arrière de la cravate pour son âge. Hmm. Et à Laval, il a bien performé en général, à part peut-être une coupe de matchs. Et à Montréal, à son rappel, tu vois que le gars, il a d'affaires dans la Ligue nationale. Et j'aime bien le fait là, qu'il devienne le réserviste de Carey Price. Même s'il y a quelque part, moi, ce que j'étais pour qu'il reste dans la Ligue américaine, question de lui donner du caoutchouc. Parce que c'est un calendrier de la NCAA et un calendrier de la Ligue nationale ou de la Ligue américaine, c'est pas pareil, là. Oui, ça, t'as raison, mais j'ai réfléchi à tout ça. Ouais. Et puis, tu me rends compte que dans la Ligue américaine, il y a beaucoup de matchs qui ont lieu deux matchs en deux soirs, vendredi, samedi. Okay. Et même souvent vendredi après-midi, vendredi soir et samedi après-midi. Ouais. Alors, c'est rare que le gars va jouer les deux matchs. Fait qu'en bout de ligne, à la fin de l'année, il aurait joué combien de matchs? Mettons là, qu'on le laisse à Laval. Il en aurait joué quoi, 35-40? Ouais. Tu sais, sur 76, je pense pas qu'il en aurait joué 60. Alors, écoute, là, tu vois, on l'a retourné à Laval durant le voyage dans l'Ouest parce qu'on juge que Carey Price va jouer tous les matchs. Mm. c'est correct, c'est de bonne guerre. Écoute, l'important, comme tu dis, c'est qu'il joue des matchs. Alors, s'il se retrouve à la fin de l'année, puis il y a, je ne sais pas moi, une douzaine de matchs dans la NHL, puis 25-30 matchs dans la Ligue américaine, pour moi, ça aurait été suffisant et ça aurait été un succès. Puis si le Rocket fait les séries, ben tant mieux, il va jouer encore plus. Numéro 1. Ouais, ben tu devines que c'est Cole Caulfield? Cole Caulfield, ben oui, c'est vrai. Oui, okay. Le premier choix du Canadien l'an dernier, 15e au total. Ouais. Canadien était chanceux qu'il soit encore disponible à ce rang-là, parce que moi, je croyais qu'il partirait probablement pas plus tard que 10 ou 11. OK. Même si c'était un très bon repêchage, écoute, Caulfield, il y en a qui l'avaient même dans leur top 5, là, au point de vue talent. Ouais. C'est juste qu'à 5 pieds 7, 160 livres, on se pose toujours la question sur la durabilité d'un joueur comme ça. Mais écoute, c'est un gars qui dégaine. Il y a une, le release, là, comme on l'appelle en anglais. Il décoche son lancer très rapidement. C'est de ce côté-là, puis là, il faut faire attention avec les comparaisons. Mm. Cet aspect-là de son jeu, moi, ça me rappelle Bretol. OK. La rapidité à laquelle il décoche son lancer. Mais là, est-ce qu'il va compter 700 buts? Est-ce qu'il va être un genre de joueur comme Hall? Ça m'étonnerait. Mm. Mais c'est juste pour donner un peu une idée. C'est un gars qui aime beaucoup, beaucoup se planter du côté gauche du filet. Quand on le voit, disons, dans les estrades ou à la télévision, là, du côté gauche. Mm. Et il attend la passe pour faire son lancer, pour décocher son lancer sans avertissement. Et il y a beaucoup de succès à faire ça. Okay. Également, c'est un gars qui a des bonnes mains, un bon patin, et je souhaiterais le voir s'impliquer un peu plus dans le jeu. Okay. Moi, la seule chose qui me déçoit un peu, c'est que pour un gars qui a ce talent-là, tu vois, il patine beaucoup, il est toujours en déplacement, mais il a l'air à attendre plus les passes que de vouloir créer des jeux. Et il devrait créer des jeux parce qu'il est très talentueux. Mais ça, c'est comparé à Alex DeBrincat, est-ce que ça se tient-tu pas mal? Bon, la seule comparaison, je pense que c'est le fait que c'est des marqueurs et puis ils ont la même taille. OK. C'est pas vraiment le même genre de joueur. Moi, je trouve qu'Offil est plus talentueux que DeBrincat. OK. Mais là encore, tu sais, ça va dépendre avec qui il va jouer, comment ça va se passer. Mais Cole Caulfield, moi, je le vois certainement, là, au minimum, un marqueur dans la trentaine de buts, là, chez, quand il va atteindre son plein potentiel. Ouais. Je vois un gars, là, tu sais, un peu les statistiques. Ben, c'est pas le même genre de joueur, mais un peu les statistiques de Max Pacioretty à l'époque. OK. Mais de la queue de Caulfield, en tout cas, il va avoir de la pression parce qu'il est déjà entendu, c'est incroyable. Est-ce que du côté pression, il est capable? C'est le gars qui a une bonne tête sur les épaules? Oui, sauf que c'est ça qui est dommage. C'est que le gars va arriver l'an prochain et puis s'il fait pas 30 buts, c'est un flop. Non. Tu sais, ici, là, il faudrait se calmer un peu. Puis d'une certaine façon, je blâme pas les partisans parce que ça fait 25 ans qu'ils ont rien à se mettre sous la dent. Mm. Alors, tu sais, voir arriver quelqu'un qui est capable de marquer des buts, c'est une nouveauté. Puis bien des gens, là, en bas de 35 ans, qui n'ont pas connu la Coupe Stanley de 93, et qui suivent le Canadien depuis leur enfance, vraiment, là, tu sais, pauvres autres, là, ils ont pas connu les années 70 comme les gens de 53 ans comme moi, là. Oui, ce n'est pas complètement différent. Complètement différent. Snig, on va faire une pause par la suite. Je veux te parler de quelques prospects encore. Les Yellowen, les Matthews Norlander, Olofsson et Yekonen. Donc, vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Simon Boisvert sur les ondes de danradiosport.com. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Chez Dolbo Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo-Mistassini, 418-276-0580. Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 418-276-80. Ho, ho, ho! Ce n'est pas le Père Noël, mais bien Nicolas Martel, le maire des biens. Au nom du Conseil de Ville des biens, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes et une année 2020 remplie de bonheur et de moments inoubliables. Et pour vos moments extrêmes, pensez Ville des biens. On est de retour avec Simon Boisvert, un spécialiste du repêchage. Simon, t'as pas parlé de Mathias Nylander. Je me rappelle d'une entrevue ou d'un papier que j'ai vu avant les fêtes. On disait que peut-être c'était le prochain Niklas Lidström. C'est exagéré, ça? Bien, certain, là, parce que là, tu parles d'un des cinq meilleurs défenseurs de l'histoire du hockey par rapport à un gars qui joue dans une ligue très... un gars de 19 ans qui joue dans une ligue très faible en Suède. Ouais. Tu sais, faut pas non plus, à un moment donné, faut pas mettre la charrue avant les buts. Moi je le classe quand même dans le top 10, là, des sports canadiens. Un autre défenseur gaucher qui, cependant, je crois, devrait jouer à droite au championnat mondial junior. Là, on verra comment on va l'utiliser. Écoute, Nylander, c'est un gars qui a des belles habiletés, il a des bonnes mains, il a des belles feintes, il est capable de transporter la rondelle, un bon coup de patin, il est élégant, mais ça, là, tu sais, la ligue où il joue est pas forte. Et ça, c'est-tu la ligue de Modo, puis de... Ouais, mais c'est de la deuxième division, en plus. OK, c'est la deuxième division, je pensais que c'était la première division. Non, il donc, est pas la première. Donc, c'est à prendre avec... Avec des peintres. Tout ce qu'on lit sur Nylander, c'est à prendre et à laisser, là. Ah. Écoute, tu regardes les faits saillants, tu vois un beau jeu, mais faut que tu dises que souvent, là, les joueurs qui vont déjouer, c'est des vrais qu'on arrange. Ouais, OK. Tu sais, c'est pas les défenseurs de la Ligue nationale, là. C'est pas Zdeno Chara, non, meilleur. OK, c'est... Okay. Alors, tu sais, moi, là, je pense que l'important pour Nylander, c'est de s'en venir le plus rapidement possible ici. Pour s'habituer à la glace, la dimension des glaces nord-américaines, très important pour les joueurs européens, qui sont habitués d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour tricoter. Alors, le mieux pour lui, ce serait de s'en venir à Laval l'an prochain, puis encore là, de ne pas s'exciter, pas s'énerver, lui donner une année d'adaptation, pas jouer au yo-yo avec lui, pas avoir des attentes incroyables, mais tranquillement, pas vite l'amener. N'oublie pas, c'est un choix de troisième ronde. Juste le fait de faire la Ligue nationale, là, mettons qu'il fait la Ligue nationale, c'est un gros bonus. Ben. Fait que, avant de parler de Niklas Lidström, là, on va se calmer le pompon. Okay. Jesse Ylönen, c'était le choix de deuxième ronde de l'an dernier. On disait que c'était un bon marqueur. Il devrait être au championnat du monde. Lui, comment tu le vois? Ben, moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il y a des bonnes mains. Oui, c'est un bon marqueur. C'est le fils d'un ancien joueur de la Ligue nationale qui a déjà joué brièvement pour les Sénateurs d'Ottawa, d'ailleurs. Écoute, ça, c'est un ailier droit que je verrais très bien sur un deuxième trio éventuellement. Mais encore là, tu sais, il joue en Finlande. C'est pas du super gros calibre. Et surtout, ils ont beaucoup de temps et d'espace pour manœuvrer. Tu sais, ça devient très serré en Amérique du Nord, le hockey. Et Ylönen, je le qualifie pas de joueur soft, là. Faut pas... Je dirais pas ça, mais je dois dire que il doit s'habituer aux rigueurs d'un calendrier de 80 matchs, et puis quand il va se planter pas loin du filet pour prendre son lancer, il va se faire rentrer dedans. OK, alors ça, il va falloir qu'il se développe physiquement et qu'il soit capable de passer à travers les rigueurs du hockey nord-américain qui est extrêmement exigeant sur le corps de quelqu'un. Alors lui encore, il a 20 ans cette année, 21 ans l'an prochain, ça serait bien qu'il s'en vienne dès l'an prochain jouer à la balle. Ben oui, effectivement. Jacob Olofsson, c'était le choix de deuxième ronde, me semble. Puis je me rappelle quand il avait été repêché, il disait beaucoup de bien, puis on n'a pas entendu parler. Je sais qu'il a été blessé, il ne participera pas au championnat du monde. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Olofsson, c'est un gars qui a très, très peu de talent offensif. Jacob de la Rose. Ben, je m'en ai parlé de lui, c'est ça. Ben, je te dirais probablement tu sais, Jacob Delarose, c'est quand même un régulier dans la Ligue nationale sur un quatrième trio. Ouais. Olofsson, je te dirais que quatrième trio dans la Ligue nationale, ça serait un miracle. Ah ouais, OK, mais tant que ça... C'est vraiment pas un joueur... Écoute, dans les juniors, dans les tournois, on l'a souvent mis sur le premier trio, comme premier centre, un peu par défaut, avec les deux fameux ailiers qui vont être repêchés cette année, Lucas Raymond et Alexander Holtz. et le gars avait peine à suivre. OK. Et il était avec les deux prospects là, de premier Ouf. Plan. OK. Alors, tu sais, déjà, c'est mauvais signe quand dans le junior, un gars produit pas avec des prospects de premier plan. Mm. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver dans la Ligue nationale? Alors, écoute, encore là, j'imagine qu'on va l'amener à Laval à un moment donné, on va lui faire signer un contrat. Mais lui, il faut vraiment pas avoir des attentes okay. plus élevées que centre de quatrième trio. OK. Maintenant, il y avait deux joueurs de centre en Ontario, qui étaient McShane et l'autre que tu me parlais, là, qui allait bien. Là, tu me parlais en dehors des ondes. Oui, Camillus. Camillus, oui. Oui, écoute, ça, c'est des gars qui ont déjà 19 ans. Ouais. Moi, je te dirais que leur production est plus due au fait que ils ont 19 ans dans une ligue junior. OK. Est-ce qu'on va leur faire signer des contrats? Peut-être que oui, j'imagine. Mais à un moment donné, tu sais, tu peux pas faire signer des contrats à tout le monde. D'après moi, Hillis a peut-être plus de chances de McShane. Mais là, on parle de projet à Laval. Vraiment, c'est on lance des dards avec des gars comme ça. OK, OK. Donc, c'est quand même pas si pire, mais c'est pas... Il y a beaucoup d'espoir, encore une fois, parce que le Canadien est vraiment pas sûr de faire les séries, encore une fois. Donc, on dit le meilleur est à venir, là. Oui, moi, sais-tu comment, à moins là, d'un changement, d'un revirement de situation, là, qu'il fasse un échange complètement incroyable, là, qui n'a pas de sens, moi, le Canadien, si tu me demandes où est-ce que je les vois dans 3, 4, 5 ans, je les vois comme un bon club, mais à moins là, d'un miracle, je les vois pas comme des aspirants à la Coupe. Ouais, c'est à peu près comme là. Mais là, écoute, s'ils gagnent la loterie puis ils vont chercher Byfield ou Lafrenière, là, ça change tout. Ben, c'est clair. C'est mais, clair. Mais moi, je te parle tel que constitué présentement, sans coup de chance ou miracle de loterie ou peu importe, pour le moment, je vois un bon club. Mais c'est pas surprenant. Canadien, ça fait combien d'années qu'ils jouent entre 15 et 20? Ça fait que c'est... Fait que ça va jouer entre 15 et 20 encore? Ça peut se jouer entre 9 et 15, mettons. Ouais, OK. Okay. Tu sais, alors, ça peut donner un meilleur show, ça va être le fun, Caulfield va faire des buts, mais est-ce que nécessairement, quand tu arrives en série, tu vas avoir les chevaux pour battre Colorado, exemple, là? OK, ben, c'est sûr. C'est plutôt ça, là, mon point. Snake, ça me fait plaisir de te parler. On se parle de temps en temps. Continue ton bon travail au 91.9. Tous les samedis matins, t'évalues le talent des Canadiens. T'évalues également le talent junior. Merci encore une fois. Je te souhaite de joyeuses fêtes à toi et puis à ta copine. Puis on va se reparler de temps à autre en 2020. Hey, ça m'a fait plaisir. Simon Boisvert, qui est...